Verbal production. Niton. Je voulais avoir une femme des gosses et être le boss. Mais la réalité m'a fait comprendre qu'il faut que je m'accroche. Je voulais aussi que tout le monde s'entende. Mais le racisme est plutôt en train de s'étendre. Pas la peine de juger sur nos apparences. Au fond on est peut-être pas comme tu le penses. Verbal prod c'est du son qui met l'ambiance. Oui du son qui met tout le monde en transe. J'ai toujours voulu, c'est le titre de cette prod. T'inquiète qu'à les Cosix on feront tourner le globe. Je n'ai peut-être aucun avenir dans le monde de la musique. Mais qui ne tente rien à rien c'est toujours ce qu'on m'a dit. On m'a dit de faire tourner le monde. Et on dit c'est vraiment un truc de blonde. Oups c'est derrière moi mais dis-moi où sont les freins. Attends j'ai encore des phases mais je t'en parle après le refrain. J'ai toujours voulu avoir vie de rêve. Comme la montre pour faire jaillir la scène. J'ai toujours voulu avoir une vie de rêve. Comme la montre pour faire jaillir la scène. J'ai toujours voulu avoir une vie de rêve. Comme la montre pour faire jaillir la scène. J'ai toujours voulu avoir une vie de rêve. Comme la montre pour faire jaillir la scène. Dans ma tête ça pète, boum boum, normal c'est le dawa. J'suis en pleine accro, pourquoi ça les rend faillard. Ils s'accrochent à un style qui ne leur vont pas. J'témoigne pourtant, on m'a toujours dit que la bite fait pas le moine. Regardez-moi, gratte et je me tape de part. C'est pourtant pas commun, ouais c'est plutôt rare. Que les gens racontent que des histoires, que des idées noires. Mais au fond du couloir c'est plein de désespoir. Faudrait que ça s'arrête. Ils nous ont entremis dans la tête. Faut pas qu'on s'arrête. On va nous faire péter.